demain. 6h sur RTL de Pink qui est à venir juste après vos infos. Bonjour. Matinale, ce matin, jour férié. Raphaël Thomas est avec nous. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Le gaz, toujours plus cher. Les tarifs réglementés appliqués par Engie vont encore grimper à partir d'aujourd'hui. Une hausse de près de 6% par rapport au mois d'octobre et de quasi 20% par rapport au début de l'année. Dans le détail, l'augmentation sera de 1,9% pour les foyers qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 3,6% pour ceux qui en font un double usage, cuisson et eau chaude, et de 6% pour les Français qui se chauffent au gaz. Cette flambée des prix s'explique notamment par l'augmentation du coût des importations. Les employés d'Ascoval votent la reprise du travail. Les 281 salariés de l'acierie du Nord bloquaient l'usine de Saint-Saulve depuis une semaine. Finalement, le projet de reprise du site a été jugé solide. Le gouvernement souhaite régler le dossier d'ici début décembre. Le Var est sous les eaux. Des pluies diluviennes se sont encore abattues cette nuit sur le département, placé en vigilance orange inondation. Le préfet recommande d'éviter les déplacements en raison du risque de crue. Le pic est attendu dans la matinée. Certains habitants ont dû quitter leur domicile par précaution. Plusieurs zones, dont 4 campings, ont été évacués à Fréjus. Donald Trump fait dans la surenchère. À 6 jours des élections de mi-mandat, le président américain a encore durci son discours sur l'immigration. Désormais, ce sont 15 000 soldats supplémentaires qu'il veut envoyer à la frontière avec le Mexique, soit l'équivalent du nombre de militaires déployés en Afghanistan. Il espère bloquer les caravanes de migrants venus d'Amérique centrale qui tentent de gagner les États-Unis. On passe au sport. Lorient a créé la surprise hier en Coupe de la Ligue. Le club de Ligue 2 s'est qualifié pour les 8e de finale en éliminant Toulouse 1-0. Qualification également du Havre, de Nice, Amiens, Dijon, Guingamp et Orléans. Le match entre Nîmes et Saint-Etienne a été reporté à cause de la pluie. Les 6 clubs engagés en Ligue des Champions et en Europa League, eux, feront leur entrée en lice directement lors des 8e de finale les 18 et 19 décembre. En tennis, enfin, Richard Gasquet et Adrian Manarino ont été sortis hier du tournoi de Paris-Bercy. C'est fini aussi pour Rafael Nadal, qui a déclaré forfait, laissant du coup la place au numéro 1 mondial à Novak Djokovic. De numéro 1 mondial à Djokovic. La météo, on le disait, seul le Var reste en vigilance orange inondation ce matin. Au lever du jour, il y aura quelques averses orageuses de la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie. L'après-midi, elles gagneront les Hauts-de-France. On attend quelques éclaircies en Bretagne, des Pyrénées au Languedoc-Roussillon. Le temps sera calme. Sur la moitié est, il va encore pleuvoir ce matin sur la Côte d'Azur et la vallée du Rhône. En Corse, le vent fort en début de journée faiblira l'après-midi. Les températures, 5 degrés ce matin à Metz et Aurillac, 8 à Toulouse, 9 à Lannion, 10 à Paris et Honfleur, 14 à Saint-Tropez, 16 à Ghisonaccia. L'après-midi, on attend 12 degrés à Melun et Besançon, 13 à Dunkerque et au Sable-d'Olonne et 17 degrés à Nîmes. RTL 2, il fallait être précoce. 5 minutes, c'est le temps qu'il a fallu pour que toutes les places du concert de Pink en juillet à Paris soient vendues. En attendant des nouvelles dates, la voici pour 3 minutes. Pink sur RTL 2. Bonjour, bon réveil. Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. It's been Just Give Me a Reason Pink sur RTL2. Le double expresso RTL2. Le best-of avec Sylvain Alexis. 6h06, bonjour et bon réveil, des raisons d'être bien ce matin, j'en ai plein à vous donner. D'abord c'est férié, donc si on réfléchit bien, jour de repos, ou alors pour vous qui travaillez, on est sur une affaire payée double. Dans les deux cas, vous avez le sourire, bah oui forcément. Et en vous levant tôt ce matin, vous êtes aussi les premiers à apprendre que le roi du déroulade à la suite sur une pelouse, Neymar, le joueur de foot, le joueur du PSG, risque jusqu'à 6 ans de prison pour fraude fiscale. C'est fou, c'est dingue, alors ça devrait évidemment s'arranger à l'amiable, mais voilà, potentiellement, il pourrait aller exposer ses tatouages bientôt en prison. Ah, Et puis, autre bonne raison d'être là ce matin, jusqu'à 9h, on profite ensemble des meilleurs moments du double expresso RTL2. Bah oui, avec Greg, Justine, Jonathan, Max qui sont là avec nous virtuellement encore ce matin. Avec des winners du jour, des savoirs inutiles, des top 3 et des infos expresso. La première, ce sera dans 10 minutes avec une histoire de livraison de café révolutionnaire. Vous allez tout comprendre avant 6h30. Et profitez maintenant d'un vrai bon classique pop rock maison. U2 est sur RTL2 pour émerger tranquillement, pour planer encore un petit peu. Voici I'm still having fun, what I'm looking for, sur RTL2.

Dès votre réveil, 6h-9h, le double expresso RTL 2. Le son pop rock de Soundgarden sur RTL 2. Parfois dans une vie de musicien, vous cherchez un nom pour votre groupe, vous passez devant une sculpture dans un coin de votre ville et hop, voilà, l'inspiration est là. C'est le cas pour Soundgarden, qui était le nom d'une sculpture à Soundgarden exposée près du Magnuson Park, pas loin de Seattle. À Seattle ou ailleurs, un jour votre café vous sera servi chaud chez vous à la demande. Ce jour est proche, écoutez plutôt cette révélation du double expresso RTL 2. RTL 2, l'info expresso. Je suis toute oui. Tu nous parles de café et de drone ce matin. J'ai un sacré défi. Il va falloir que j'arrive à capter ton attention sur cette info expresso qu'on a trouvée sur Slate.fr. En fait, c'est IBM. Jusque-là, ça va. IBM, tu connais la marque d'informatique, très bien. Qui développe une gamme de drones conçus pour livrer du café frais et donc chaud à ses clients. Donc nous, ça nous intéresse doublement, petit déjeuner, double expresso. Et bien là, IBM vous livre du café par drone. C'est quand même étonnant comme histoire. Mais est-ce que ça peut pas être dangereux surtout ? Alors voilà, le problème, c'est qu'on peut pas tout à fait voler avec des boissons chaudes. Ouais. Parce qu'effectivement, si ça tombe et que c'est bouillant, vous pouvez ébouillanter des gens. Non, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus de vouloir livrer ce café par drone, c'est la nouvelle grande mode, hein, ça va être le cas pour Amazon et d'autres qui vont se lancer là-dedans, qui ont déjà d'ailleurs commencé des phases de test. Là, en fait, ils vont te livrer le café exact en fonction de toi, suivant ta courbe de sommeil, suivant ta tension, ta dilatation de pupille, ton expression du visage. Autrement dit, là, c'est, alors comment vous dire, c'est Minority Report, c'est Black Mirror pour ceux qui regardent la série en ce moment. Vraiment, on est dans de la série de science-fiction, dans de l'anticipation. Ils peuvent te livrer ta dose exacte de café selon tes propres besoins. Alors, peut-être oui, c'est une avancée, mais je suis peut-être une vieille personne. Je suis désolée, mais moi, ça me fait flipper. Ça me fait peur, tout ça. Bah oui, mais il va falloir quand même un petit peu avancer. Ouais. Hein, tu vois, on y est dedans. En tout cas, moi, j'avoue, j'aimerais bien tester une fois de temps en temps. Oh, arrête, Greg, on vient tout juste de recruter une stagiaire, là. Qu'est-ce que tu veux faire du drone ? Mais bah, ça va pas, non ? Bah, bisous, Anaëlle. Des photocopies. Enfin, on trouvera toujours une occupation, tu vois. Ah, toi, ça peut. Non, ça mais peut je le prends pas mal, quoi. Non, mais on t'a pas autorisé à parler non plus, Anaëlle. Commence pas à prendre tes aides. En tout cas, merci d'être là, évidemment. On attend maintenant le drone livreur de croissants et pain au chocolat, mais quand il sort du four, quand le beurre ou le chocolat fondent encore. Ce serait génial, ça. ce gars vaut très cher en ce moment. Lenny Kravitz sur RTL 2, il vous attend à Milan. Si vous entendez deux titres de Lenny à la suite sur RTL 2, vous nous appelez au 3228 pour partir le voir en concert et le rencontrer là-bas. Que vous réserve votre horoscope aujourd'hui? On va le savoir à 6h27. Médaille de bronze du jour d'abord, les lions. Attention à ne pas trop prendre vos aises, restez à votre place. Balance, une futilité vous occupe l'esprit depuis quelques jours. Pensez à autre chose. Poisson, ne soyez pas trop têtu, cela pourrait vous porter préjudice. Les médailles d'argent, on y va? Allez, Bélier, cette journée commence sans encombre, profitez-en. Gémeaux, vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle. Les taureaux, c'est bientôt la fin de la semaine, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre week-end et peut-être déjà de ce jour férié. Cancer, vous avez des projets plein la tête, c'est le bon moment pour les mettre en place. Les vierges, n'hésitez pas à user de votre charme pour obtenir ce que vous souhaitez. Scorpion, votre personnalité est unique, cultivez-la. Capricorne, vous faites rire vos proches, c'est une grande qualité. Les Verseaux, la chance va vous sourire aujourd'hui. La médaille d'or, elle est pour les Sagittaires. Et oui, amour, travail, santé, famille, tous les voyants sont au vert, votre journée sera parfaite. Ça, c'est clairement le groupe phénomène de cette fin d'année 2018. LSD est à suivre sur RTL 2. On aura aussi un winner du jour après vos infos de 6h30. C'est le best-of du Double Expresso. Bon réveil, bonjour. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Tous les jours, à partir de 16h, je vous retrouve avec le Drive RTL 2 pour vous raccompagner chez vous. Avec au menu du son pop rock, des jeux, des infos sur le son pop rock, des interviews, des découvertes et encore du son pop rock. Bref, à tout à l'heure sur RTL 2. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL 2. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, vous connaissez la nouvelle? Non, je sais, c'est quoi? C'est quoi? Bah les noix sèches. Demain et après-demain chez Lidl, le kilo de noix sèches est à 3,99€. Moins de 4 euros le kilo de noix? Moi j'y crois pas, c'est encore un prêt à la noix ça. Non, non, c'est le vrai prix, 3,99€. Et origine France les noix, hein. Oh, c'est vraiment les rois de la noix. J'en prends avec une barquette de mâche. Oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Dormir comme un loir, comme une bûche. Pour s'endormir, on peut toujours compter sur la nature ou sur L72, un médicament homéopathique aux 10 substances actives traditionnellement utilisé dans les troubles mineurs du sommeil. Nouvelle composition, ce médicament contient de l'alcool, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. À partir de 30 mois, chez l'enfant, prendre un avis médical. Laboratoire Lenning. Leclerc. Philippe, c'est toi qui as acheté du whisky? Oui, madame, chez Leclerc. Un Clan Campbell Blended Scotch Whisky. Une robe ambrée, des notes florales, un arôme légèrement fumé qui mêle malt et caramel. Et avec 30% de tickets Leclerc. Dis donc, t'as étudié la question. 30% de tickets Leclerc. Du 30 octobre au 10 novembre chez Leclerc, la bouteille d'un litre de Clan Campbell est à 17,85€ avec en plus 30% de tickets Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ah, l'Écosse, ses traditions et ses Clan Campbell avec du ticket Leclerc. 6h30 sur RTL 2, LSD et Oasis à suivre après vos infos. Bonjour Raphaël Thomas. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Des violences urbaines en marge d'Halloween. Des policiers ont été pris pour cible cette nuit à Montgeron dans l'Essonne. Les agents ont été caillassés, ont reçu une bouteille d'acide. Ils tentaient d'empêcher le pillage d'une épicerie. Une adolescente de 13 ans a été arrêtée à Étampes. Un magasin Intersport a été dévalisé par une vingtaine de jeunes cagoulés. Climat tendu également à Lyon où 7 personnes ont été interpellées. Des véhicules et des poubelles ont été incendiés. La vitrine d'un commerce brisé. 5 mois de répit pour les locataires menacés d'expulsion. C'est le début aujourd'hui de la trêve hivernale. Elle doit durer jusqu'au 31 mars prochain. D'ici là, sauf cas rarissime, personne ne peut être mis à la rue, même en cas d'impayé. Cette trêve concerne aussi l'électricité et le gaz. Durant cette période, les fournisseurs d'énergie n'ont pas le droit d'interrompre leur service. Le gaz, justement, qu'il va falloir payer plus cher. Plus 6% en moyenne par rapport au mois d'octobre. Autre changement au 1er novembre, la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés qui passe à 860€. Revalorisation également de la retraite complémentaire du privé. Environ 20 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin, conséquence des fortes chutes de neige et de pluie du début de semaine. L'Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement touchée. Enedis prévoit un retour à la normale d'ici ce soir. 2 000 personnes sont mobilisées pour réalimenter les secteurs les plus isolés. Et puis en Corse, là aussi, ce sont 700 foyers qui sont encore sans courant. Aux États-Unis, Harvey Weinstein, visé par de nouvelles accusations. Une jeune femme affirme avoir été agressée sexuellement par le producteur hollywoodien alors qu'elle n'avait que 16 ans. Les faits remonteraient à 2002 alors qu'elle venait de s'installer à New York pour tenter une carrière dans le cinéma. Le foot, ça passe pour Lyon et Paris en Ligue des Champions féminines. Les Lyonnaises se sont qualifiées pour les quarts de finale en écrasant l'Ajax Amsterdam 9-0 en huitième de finale retour. Les Parisiennes ont également décroché leur ticket pour les quarts en battant les Suédoises de Linköping 3-2. En tennis, Rafael Nadal, lui, jette l'éponge au Masters 1000 de Paris-Bercy. L'Espagnol qui souffre d'une déchirure abdominale déclare forfait. Du coup, Djokovic est assuré de retrouver sa place de numéro 1 mondial. La météo, seul le Var reste en vigilance orange inondation ce matin au lever du jour. Il y aura quelques averses orageuses de la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie. L'après-midi, elles gagneront les Hauts-de-France. On attend des éclaircies en Bretagne, des Pyrénées au Languedoc-Roussillon. Là aussi, le temps sera calme. Sur la moitié est, il pleuvra encore dans la matinée sur la Côte d'Azur et la vallée du Rhône. Et puis en Corse, le vent fort en début de journée finira par faiblir cet après-midi. Les températures, elles remontent. Il fait 7 degrés ce matin à Dijon, 8 à Lille, Versailles et Bourges, 9 à Lyon, 11 à Biscarrosse, 13 à Corté, 15 à Marseille. Cet après-midi, on attend 12 degrés à Rennes et Strasbourg, 13 à Paris et Saint-Dizier et 18 à Ramatuelle. Bon réveil avec le double expresso RTL 2, le son paprac. Premier album sort demain, Labyrinth, Sia et Diplo, le trio LSD sur RTL2, Thunderclouds dans le best-of du double expresso RTL2. Et cette question, combien de fois rechargez-vous votre téléphone chaque jour? 1, 2, 3, 5, 10 fois peut-être. Oui mais c'est certain, vous ne le faites pas au même endroit que notre winner du jour. Greg et Justine vous le présentent tout de suite sur RTL2. Le double expresso RTL2. Le winner du jour. Avec toi, Justine, il veut recharger son portable, c'est ça? Oui, je vous emmène en Inde grâce à 20minutes.fr. Un homme voulait recharger son portable et puis il était dans un avion, d'accord? Ah, on m'appelle, attends, excuse-moi. Oui, allô? Oui, maman. Non, je suis en info expresso. Sketch. Ah, oui. Ah, bravo. Non, même alors, pas, c'est alors, winner du jour d'ailleurs. Voilà, sketch un peu foiré. Je m'y attendais pas. Merci. Bonsoir. Pardon, excusez-moi, je te coupe, mais c'est Jérémy qui m'envoie la musique, ça m'a enflammé. Oh là là, c'est l'improvisation. Oh, c'est... Oh, lolo. Je suis dans le fight. Vas-y. Donc en fait, l'avion était au sol, le passager a tenté de pénétrer dans le cockpit. Mais pourquoi? Bah parce que son portable avait besoin d'être rechargé, simplement. Ça, c'est énorme. Donc il a été expulsé de l'avion et conduit à la police, hein, bah, bien sûr, parce que bon, bah, c'est un interdit de rentrer dans un cockpit, quand même. Mais en fait, ce cas est apparemment serait révélateur d'une tendance à la multiplication des incidents dans les avions indiens. En fait, que dans la même semaine, écoutez bien, entre Delhi et Patna, un passager a été surpris en train d'essayer d'ouvrir la porte d'un avion en plein vol, donc c'est quand même hyper dangereux, pensant qu'il s'agissait de l'entrée des toilettes. Non, mais c'est vraiment vrai, je vous jure. Bon, alors, apparemment, ça s'explique parce que donc en Inde, il y a beaucoup de baisse de prix des billets, augmentation des revenus moyens. Donc, des centaines d'Indiens ont pu prendre l'avion pour la première fois. Ne connaissaient pas trop. Mais c'est gros. Enfin, tu ne t'ouvres pas à la porte d'un avion pour aller aux toilettes quand même. Mais ils ne connaissent pas. Il y a même un mec qui a ouvert la fenêtre pour fumer. Donc, tu vois, il était là. Hier, on parlait de rencontres amoureuses dans les avions. Aujourd'hui, de recharge de portable dans les avions. Bon, peut-être une autre histoire. Autant d'altitude et en couleur à suivre demain dans le best-of du Double Expresso RTL 2. Les meilleurs moments de l'émission continuent. En tout cas, ce matin, avec d'ici 7h, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Jonathan sera avec nous après le son pop-rock qui réveille. Signé Superbus, Muse et Oasis. Encore plus efficace qu'un bon café le matin. Oasis sur RTL 2. son pop rock d'Oasis sur RTL2 avec Stand By Me. Oh bah oui, restez bien avec moi ce matin parce que best of du double expresso qui continue avec le top 3 de Jonathan O'Donnell. Et puis tout à l'heure, la roue pop rock à faire tourner pour un iPad Pro. Je vous l'offre pour la sortie événement de Bohemian Rhapsody, le film sur Queen, sorti hier avec RTL2. Alors comment on s'inscrit avec votre téléphone? 3228, les inscriptions sont ouvertes. 3228, c'est Clara qui est à l'autre bout du fil pour prendre vos coordonnées, jouer en direct avant 8h. 3228, on vous attend avec News et Superbus. Superbus arrive avec Travel the World. Bonne chance et bon jeudi pop rock avec RTL 2. RTL 2 Pop Rock Party. Le son pop rock mixé par Loran et RLP en live. Écoutez. RTL 2 Pop Rock Party. Toute la semaine de 19h à 20h. Et les vendredis et samedis, version longue de 22h à 1h. RTL de Pop Rock Party. Montez le son. Le son Pop Rock RTL 2 vous accompagne partout avec l'appli RTL 2. jusqu'à 9h, c'est le best-of du double expresso RTL 2 avec Sylvain Alexis. J-8, c'est bien ça, c'est dans 8 jours que sera dispo Simulation Theory, le 8e album de Muse, avec dessus entre autres Bonne Chose, Fof, Contagion, qu'on écoutait pour se réveiller ce matin sur RTL 2, où voici le premier top 3 de Jonathan O'Donnell dans le best-of du Double Expresso RTL 2. Le Double Expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. C'est le moment de retrouver Jonathan O'Donnell comme tous les jours pour clore ce Double Expresso, ça va? Ouais, ça va très bien, très content de clôturer cette émission comme d'habitude. On revisite l'actu, les chiffres. On la déchire, de cette on manière. La froisse et on y va. Et encore, c'est qu'une info consommation. Panzani rappelle plusieurs types de pâtes car elles présentent des risques d'odeur et de goût terreux. Mmh. Oh. Alors, mea culpa, Justine, hein, si ça se trouve l'autre jour, t'avais réussi tes pâtes finalement. Tu vois, oui, c'est pas ta faute. Ouais, j'ai pas, non, c'est pas de ma faute. Ouais, non. Arrêtez, je cuisine bien. Mais oui, on sait. Ouais, tu composes mieux que personne les numéros. Ça, c'est... c'est vrai, ça. Je connais tous les numéros de livreur, ok. Bon. Allez, une info santé. Selon une étude, il faut 6 jours d'attente pour voir un généraliste et 80 pour un ophtalmo. Oh là là. C'est énorme. Mais eux, ils mettent seulement 4 heures pour encaisser un chèque. Hein. C'est fou la vie quand même. C'est tellement vrai. Hein, c'est pas la même notion du temps. Hein. Carte vitale, O'Donnell, carte vitale. Ça va très vite. Hein. Et enfin, un fait divers. En visant un sanglier, un chasseur a tiré à travers une maison à La Roque, dans l'Hérault. Oula. Ouais, sachant qu'il y a 80 jours d'attente pour un ophtalmo, pas prêt de s'arranger pour lui. Hein. Voilà. C'est comme ça tous les matins sur RTL 2 dans le double expresso. On aura un autre top 3 tout à l'heure de Jonathan avant 9h, c'est promis. Avant ça, une info expresso dans la demi-heure pour parler avec Greg et Justine des réunions de travail interminables. Et puis le son pop rock qui réveille, il est là avec Francis Cabrel sur RTL 2. D'abord vos corps qui se séparent,

Les infos à 7h sur RTL2 avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et cette info d'abord, le gaz toujours plus cher. Les tarifs réglementés appliqués par Engie vont encore grimper à partir d'aujourd'hui. Une hausse de près de 6% par rapport au mois d'octobre et de quasi 20% par rapport au début de l'année. Dans le détail, l'augmentation sera de 2% pour les foyers qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 3,6% pour ceux qui en font un double usage cuisson et eau chaude, et de 6% pour les Français qui se chauffent au gaz. Et cette flambée des prix s'explique par l'augmentation du coût des importations. Les employés d'Ascoval votent la reprise du travail. Les 281 salariés de la Syrie du Nord bloquaient l'usine de Saint-Solve depuis une semaine. Finalement, le projet de reprise du site a été jugé solide. Le gouvernement souhaite régler le dossier d'ici début décembre. Le Var sous les eaux, des pluies diluviennes se sont encore abattues cette nuit sur le département placé en vigilance inondation. Le préfet recommande d'éviter les déplacements en raison du risque de crue. Le pic est attendu en milieu de matinée. Des centaines d'habitants ont dû quitter leur domicile par précaution hier. Plusieurs zones, dont 4 campings, ont été évacués à Fréjus. Nouvelle édition du mois sans tabac. L'opération commence aujourd'hui. Pendant 30 jours, les fumeurs peuvent être aidés gratuitement à se sevrer via les réseaux sociaux, dans des ateliers sur smartphone ou bien en parlant à un tabacologue. Selon une étude de santé publique, en 10 ans, le nombre de cancers du poumon a augmenté de 72% chez les femmes. L'an dernier, 380 000 personnes ont tenté d'arrêter grâce au dispositif. Les sports et en foot, la surprise est pour Lorient en Coupe de la Ligue. Et oui, le club de Ligue 2 s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant Toulouse 1-0. Qualification également du Havre, de Nice, Amiens, Dijon, Guingamp et Orléans. Le match entre Nîmes et Saint-Etienne a été reporté à cause de la pluie. Les 6 clubs engagés en Ligue des Champions, en Europa League, feront leur entrée en lice lors des huitièmes de finale les 18 et 19 décembre. En tennis, enfin, Richard Gasquet et Adrian Manarino ont été sortis hier du tournoi de Paris-Bercy. C'est fini aussi pour Rafael Nadal qui a déclaré forfait, laissant du coup la place de numéro 1 mondial à Novak Djokovic. Le Serbe est attendu sur les courts aujourd'hui pour les 8e. La météo, seul le Var reste en vigilance orange inondation ce matin. Au lever du jour, il y aura quelques averses orageuses de la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie. L'après-midi, les pluies gagneront les Hauts-de-France. On attend des éclaircies en Bretagne et des Pyrénées au Languedoc-Roussillon. Le temps sera calme. Sur la moitié est, il pleuvra dans la matinée sur la Côte d'Azur et la vallée du Rhône. Enfin, en Corse, le vent fort en début de journée devrait faiblir cet après-midi. Côté Mercure, il fait moins froid. 5 degrés ce matin à Metz et à Aurillac, 8 à Toulouse, 10 à Paris et Lorient, 11 à Deauville, 12 à Aubagne, 15 à Sartène. Cet après-midi, on attend 12 degrés à Calais, Beauvais et Besançon, 13 à Nantes et 17 à Montpellier. Il va s'en passer des choses, décidément, jeudi prochain. On parlait tout à l'heure de la sortie du nouvel album de Muse. Il y aura aussi Origins, le nouveau Imagine Dragons, que voilà chez vous à 7h sur RTL2. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, face a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna make it. Imagine Dragon, c'est déjà une valeur sûre. RTL2 Natural. Le double expresso RTL2. Le best-of avec Sylvain Alexis. On se faisait la réflexion avec Jérém qui réalise cette émission tous les matins. Imagine Dragons, tous les titres sont forts en fait. C'est incroyable, hein. Tu fais Whatever It Takes, Believe It. C'est une machine. Ce groupe machine est incroyable. Une machine. Bon réveil, nous sommes le 1er novembre aujourd'hui, jour férié peut-être. Vous vous reposez, sinon vous travaillez. On est là avec vous. Plaisir aujourd'hui de fêter son anniversaire pour Anthony Kiedis, le chanteur des Red Hot. Ah. 56 ans pour Kiedis ce jeudi. 11 de plus pour Fabrice Luchini, le comédien qui a joué dans des dizaines de films à succès. Fabrice Luchini fête ses 67 ans. Imitation réussie avec un hashtag devant. C'est cadeau, c'est pour moi. Il s'est passé plein de choses aussi un 1er novembre. U2 par exemple. Ça c'est énorme, en 96. C'est fabuleux. U2 établit une liaison vidéo sur son site internet avec leur studio d'enregistrement à Dublin et les fans du coup peuvent suivre le groupe enregistrer son nouvel album. C'était Discothèque qui sort début 97. Et puis rien à voir, le 1er novembre 2003, les 10 premiers radars automatisés capables d'envoyer automatiquement aux contrevenants leurs procès-verbaux sont opérationnels en France. 15 ans plus tard, on a le prix de l'essence qui flambe, c'est autre chose. Il est 7h07, de quoi mettre un peu de carburant dans le réservoir pour votre journée. Voici maintenant un son pop rock que j'adore parce que la voix de la chanteuse est juste magique. Donna Lewis sur RTL2. Touching.

6h à 9h, c'est le double expresso sur RTL 2. Marcher dans le sable, se sentir coupable, dans les herbes hautes, c'est sûr que t'es de ma faute. Savoir dire tant sur RTL 2, une seule vie, lui en aura eu plusieurs, je vais vous expliquer pourquoi avant 7h30, John Bon Jovi est à suivre sur RTL 2 après une info expresso by Justine et Greg. On parle de réunion de travail ce matin. Oui, écoutez. Bon, l'info expresso, tu as trouvé une solution pour rendre nos réunions de boulot moins ennuyeuses, c'est ça? Oui, parce que en vrai, souvent les réunions c'est un peu chiant, c'est un peu c'est... Alors, sauf chez nous, chez RTL 2, on est bien. Non, elles sont parfois... Ah bon, d'accord. Okay. C'est que t'en fais pas. Faut venir pour voilà. Voir ça. Faut qu'une réunion dure 15 minutes. Après, clairement, notre esprit est ailleurs. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Avec 15 minutes, t'as pas le temps de faire grand-chose quand même, non? Bah, non, mais c'est vrai. La concentration, c'est 15 à 20 minutes. Bon, après, je vais quand même c'est faire fini. Mon info expresso. Vas-y. Donc, en fait, c'est de le co-working ou le walking meeting. Ça vient de la Silicon Valley aux États-Unis. En fait, plutôt que de se retrouver à la réunion réuchouquette, c'est la fameuse réunion où t'es au milieu avec un petit café, des petites chouquettes et tu papotes pendant des heures. On toi, en a fait plutôt, une. Toi, hier, c'était complètement toi. Ça. J'ai mangé toutes les chouquettes. Oui. Moi, j'en ai pas vu une puisque j'avais tout mangé. Bon, bref. Et ben, version féminine nous parle de ça. Le co-working, c'est plébiscité notamment par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. En fait, vous marchez au lieu d'être dans la salle de réunion et du coup, vous faites du bien à votre corps parce que ça vous évite la sédentarité du travail. Mais en plus, il paraît que ça enlève toute forme de hiérarchie puisque vous êtes égal à égal avec votre patron. Il n'y a pas un coin de table plus dominant que l'autre. C'est plus court, c'est plus productif et vous êtes plus créatif. C'est ce que nous dit notamment François Birski, qui dirige une agence de com en France, qui nous dit que les marches réflexion en pleine nature, par exemple, sont très efficaces. Ça sort du cadre solennel de la salle de réunion. Les masques tombent et la concentration est à son maximum. Ça me fait penser au collège. Moi, je faisais des tours de cours. Comme ça, c'est pareil. Ah, moi, ça me fait penser à la prison aussi. C'est vrai. Ouais. Bah, vous faisiez pas ça au collège, des tours de cours? Non. Bah non, j'avais des amis, donc. Je faisais ça avec mes copines, les tours de cours. Je pensais que c'était classique. Ouais, non, d'accord. Hop là, Malaise FM épisode 2. 7h22, bonjour, c'est le double expresso RTL2. Bonne humeur et son pop rock, c'est le menu tous les matins sur RTL2. Ou voici pour se réveiller Bon Jovi. RTL2, oui ça réveille, oui ça met bien pour profiter d'un 1er novembre comme il se doit avec RTL2. You Give Love a Bad Name, quand je vous disais que Bon Jovi aura vécu plusieurs vies, jugé plus tôt, vous savez qu'il ne chante plus maintenant, sauf pour le plaisir, sa nouvelle activité c'est le vin, ouais, et ça se passe chez nous. En plus il a acheté un vignoble en France il y a quelques années, ça marche plutôt bien. Pour ce qui nous concerne, vu l'heure, un café c'est mieux, double expresso en version best-of s'il vous plaît, jusqu'à 9h avec un savoir inutile à venir dans la demi-heure et puis votre horoscope maintenant. On y va avec d'abord les médailles de bronze du jour, les lions, attention à ne pas trop prendre vos aises, restez à votre place. Balance, une futilité vous occupe l'esprit depuis quelques jours, pensez à autre chose. Les poissons, ne soyez pas trop têtus, cela pourrait vous apporter quelques préjudices. Médaille d'argent, bélier, cette journée commence sans encombre, profitez-en. Les gémeaux, vous êtes aussi médaille d'argent, vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle aujourd'hui. Taureau, c'est bientôt la fin de la semaine, vous allez pouvoir pleinement profiter du week-end. Cancer, vous avez des projets plein la tête, c'est le bon moment pour les mettre en place. Les vierges, n'hésitez pas à user de votre charme pour obtenir ce que vous souhaitez. Scorpion, votre personnalité est unique, sachez-le, cultivez-la aujourd'hui, c'est important. Capricorne, vous faites rire vos proches, c'est une grande qualité. Les Verseaux, la chance va vous sourire aujourd'hui. Et puis la médaille d'or, elle est pour les Sagittaires. Et oui, amour, travail, santé, famille, tous les voyants sont au vert, votre journée sera tout simplement parfaite.

Travis à suivre sur RTL2 après les infos de 7h30. Bonjour Raphaël Thomas. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. On commence avec ces violences urbaines en marge d'Halloween. Des policiers ont été pris pour cible cette nuit à Montgeron dans l'Essonne. Les agents ont été caillassés, ils ont reçu une bouteille d'acide. Ils tentaient d'empêcher le pillage d'une épicerie. Une adolescente de 13 ans a été arrêtée à Étampes, toujours dans l'Essonne. Un magasin Intersport a été dévalisé par une vingtaine de jeunes cagoulés. Climat tendu aussi à Lyon où 7 personnes ont été interpellées. Des véhicules et des poubelles ont été incendiés. La vitrine d'un commerce brisée. 5 mois de répit pour les locataires menacés d'expulsion. C'est le début aujourd'hui de la trêve hivernale. Elle doit durer jusqu'au 31 mars prochain. D'ici là, sauf cas rarissime, personne ne peut être mis à la rue, même en cas d'impayé. Cette trêve concerne aussi l'électricité et le gaz. Durant cette période, les fournisseurs d'énergie n'ont pas le droit d'interrompre leur service. Le gaz, justement, qu'il va falloir payer plus cher, plus 6% en moyenne par rapport au mois d'octobre. Autre changement, ce 1er novembre, la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés qui passe à 860 euros. Revalorisation également de la retraite complémentaire du privé. Environ 20 000 foyers toujours privés d'électricité ce matin. Conséquence toujours des fortes chutes de neige et de pluie de ce début de semaine. L'Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement touchée. Enedis prévoit un retour à la normale d'ici ce soir. 2000 personnes sont mobilisées sur place pour réalimenter les secteurs les plus isolés. Et puis encore, ce sont 700 foyers qui sont toujours sans courant. Aux États-Unis, Harvey Weinstein visé par de nouvelles accusations. Une jeune femme affirme avoir été agressée sexuellement par le producteur hollywoodien alors qu'elle n'avait que 16 ans. Les faits remonteraient à 2002. Elle venait de s'installer à New York pour tenter une carrière dans le cinéma. Le foot en version féminine, ça passe pour Lyon et Paris en Ligue des Champions. Les Lyonnaises se sont qualifiées haut la main pour les quarts de finale. Elles ont écrasé l'Ajax Amsterdam 9-0 en 8e de finale retour. Les Parisiennes ont également décroché leur ticket pour les quarts. Elles ont battu les Suédoises de Linköping 3-2. Et puis en tennis, Rafael Nadal jette l'éponge au Masters 1000 de Paris-Bercy. L'Espagnol souffre d'une déchirure abdominale. Il déclare forfait. La météo, seul le Var reste en vigilance orange inondation ce matin. Au lever du jour, il y aura quelques averses orageuses de la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie. L'après-midi, elles gagneront les Hauts-de-France. On attend quelques éclaircies en Bretagne et des Pyrénées au Languedoc-Roussillon. Le temps sera plus calme sur la moitié est. Il pleuvra en revanche dans la matinée sur la Côte d'Azur et la vallée du Rhône. En Corse, le vent fort en début de journée finira par faiblir cet après-midi. Les températures remontent. Il fait 7 degrés ce matin à Dijon, 8 à Lille, 9 à Mantes-la-Jolie, à Orléans et à Lyon, 10 à Manosque, 11 à Arcachon et 16 à Calvi. L'après-midi, on attend 12 degrés à Rennes et Strasbourg, 13 à Paris et Grenoble et 18 à Sainte-Maxime. Tous les matins de 6h à 9h, c'est le double expresso RTL2. So long, you're so. avez sur RTL2 Sing ou une preuve parmi mille autres que l'Angleterre est vraiment le pays de la pop musique. Autre exemple avec Radiohead, alors que Thom Yorke vient de sortir Suspiria, un nouvel album vendredi dernier. On replonge avec le double expresso dans les très très grandes heures de Radiohead maintenant. RTL2, la chanson du jour. Alors, tu nous as déjà dit que c'était Radiohead. C'est Radiohead, voilà. Déjà, juste prononcer ce nom, c'est de la folie musicale. Second single de l'album culte OK Computer, on est le 25 août 97. Alors, petit rappel, dans les années 90, les religions venues de l'Est et le rock alternatif interagissaient beaucoup. Et donc, Thom Yorke, le chanteur de Radiohead, s'intéresse au bouddhisme. Il s'en sert comme inspiration au moment d'écrire la chanson Karma Police, parce que c'est d'elle dont on va parler ce matin. Alors, tout est parti de cette phrase, Karma Police. Thom Yorke a foncé vers cette idée, il a créé une atmosphère proche du livre 1984, tu sais, de George Orwell, Big Brother is Watching You, qui contrôlait les esprits, où chaque citoyen évalue et note l'autre sur des choses personnelles. On est en plein dedans avec les réseaux sociaux, ce genre de choses. Bref, il y avait un côté visionnaire de la part de Thom Yorke. La chanson dénonce donc cette surveillance des esprits, c'est le thème de cette chanson, Karma Police. C'est aussi un hommage aux Beatles, parce qu'on savait John Lennon ou George Harrison très proche des religions de l'Est, très proche des hindous, du bouddhisme, et donc Thom Yorke s'est toujours revendiqué de cette mouvance. Pour info, il existe un service de renseignement électronique du Royaume-Uni, le GHCQ, qui a appelé un de ses programmes Karma Police à la grande colère de Thom Yorke. Donc en gros, la réalité a rattrapé la chanson. On l'écoute, voici Radiohead, c'est une merveille, c'est seulement dans le double expresso RTL2, Karma Police. All right. Cosmopolis, inspiré du roman 1984 de George Orwell. Ouais, Greg, vous le disiez, je vous le dis à la française, hein, c'était Radiohead pour la chanson du jour du Double Expresso RTL2. Le best-of continue avec un savoir inutile d'ici 8 heures. Avant ça, ressentez-vous de l'autre côté de la radio cette folle envie que j'ai de vous offrir l'iPad Pro RTL2 spécial Bohemian Rhapsody. 32-28 pour le gagner. Vous allez faire tourner la roue pop rock après les bébés brunes. Les bébés brunes avec coups et blessures, ils prennent la suite ce matin sur RTL 32-28. À vous de jouer, à tout de suite. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL 2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. You wanna see me in Milano? Dès que vous entendez deux titres de Lenny Kravitz à la suite, soyez les premiers à nous appeler au 32-28. Avion, hôtel, billets pour le concert de Lenny Kravitz à Milan et même votre rencontre avec lui. Just you and me. RTL 2 s'occupe de tout. RTL 2, la radio pop rock. 50 centimes la minute plus prix de l'appel. Dormir comme un loir, comme une bûche. Pour s'endormir, on peut toujours compter sur la nature ou sur L72, un médicament homéopathique aux 10 substances actives traditionnellement utilisées dans les troubles mineurs du sommeil. Nouvelle composition, ce médicament contient de l'alcool, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. À partir de 30 mois, chez l'enfant, prendre un avis médical. Laboratoire Lening. Quand vous postez une offre sur la plupart des sites de recrutement, vous recevez beaucoup de candidatures. Je suis le directeur commercial dont vous avez besoin. Mais lorsque vous postez une offre sur Indeed, vous obtenez une sélection de candidats qui correspondent vraiment à vos besoins. Je suis directrice commerciale diplômée en commerce international et je parle couramment japonais. Sur Indeed, vous pouvez définir des questions de présélection afin de ne retenir que les candidats qualifiés. Et pour encore plus d'efficacité, Indeed propose des offres d'emploi sponsorisées. Rendez-vous sur indeed.com/offre pour bénéficier de 50 euros offerts. Les conditions générales s'appliquent et sont disponibles sur notre site. Le son pop rock RTL 2 à tout moment avec vous, avec l'appli RTL 2. C'est nouveau, Panic at the Disco, High Hopes sur RTL 2. Mama said. début de journée avec RTL2. J'ai 7 secondes pour vous dire qu'il vous reste 3 minutes pour vous inscrire au 32-28 pour faire tourner la roue pop rock. Bonne chance. 200 watts en paire de bottes délicates et des envoltes. C'est pas des craques quand elle me sourit. Je me détraque à coup d'insomnie. Tu me plaques comme une affiche au mur. Je porte plainte pour coups et blessures. J'étais à deux doigts de finir fou de toi. Sur Bébé Brune, pas de violence, c'est les vacances. Du moins, c'est un jour férié. Nous allons jouer maintenant au 32-28. Allez. La roue pop rock RTL2. Avec Éléonore, matinale ce matin. Bonjour Éléonore. Bonjour Sylvain. Vous êtes dans le sud, du côté de Nîmes, c'est ça? Oui, pas loin. Pas exactement, très très loin. Dans un petit village à côté, ouais. Bon, d'accord, il fait beau chez vous ce matin? Non, il pleut un petit peu? Alors non, ce matin, il fait un petit peu gris, mais on n'a pas de pluie, donc c'est bon, c'est bien. Hier, on a eu ce qu'il fallait. Ça vous change, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Et parce qu'il n'est jamais trop tard pour préparer notre estomac au déjeuner, Éléonore, je me suis laissé dire que vous étiez une spécialiste de la cuisine italienne. Ah, j'adore ça, ouais. C'est alors... vrai que j'adore cuisiner, et plus particulièrement la cuisine italienne. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme spécialité? Faites-nous saliver un petit peu, là, on était sur les viennoiseries, on envisage midi déjà. Ah, qu'est-ce que j'aime? Oh, l'osso buco, c'est bon. Ah, l'osso buco, ah oui, formidable. Ouais, ouais. C'est pas mal. Pas bon. Sorti, mais... Non, c'est ce que j'allais dire, plus vers midi. Là, ce qu'on va faire à cette heure-ci, à 7h50, c'est jouer ensemble. Alors, au Pop Rock, je la lance, vous me dites stop quand vous voulez pour gagner l'iPad Pro. Je vous le souhaite, vous dites stop quand vous voulez, il faut reconnaître le titre de la playlist RTL2 qui est juste derrière. Vous êtes prête? Oui, allez. Allez, j'attends votre stop. Stop. Qu'avons-nous derrière cette roue Pop Rock? Hop, elle s'arrête sur... Ah oui. Classique pop rock, Mick Jagger, tout ça. Vous m'avez dit les Rolling Stones, mais oui. Je dis oui. oui, c'est gagné. Oui. L'iPad Pro est pour vous. Génial, hein, c'est super. Ah là, vous l'aviez, hein, le 1, ça vous a inspiré tout de suite, quoi. Ouais. Bon, c'est mon époque à peu près, hein. Ça. Bravo à vous, l'iPad Pro, et pour vous, voilà, on vous l'envoie à la maison pour fêter la sortie de Bohemian Rhapsody au cinéma. Parce que c'est l'anniversaire de mon fils, là, qui a 13 ans, donc à mon avis, il va être heureux, quoi. Ah ben voilà, le petit cadeau est trouvé, comme ça, en un coup de fil, grâce à RTL2, c'est magique. Je vous embrasse, Éléonore, et bisous à votre fils, du coup. Bisous à tous, et bisous à toute l'équipe. Ah ben voilà, et bon anniversaire à votre petit garçon. Enfin, merci, votre petit. Merci. Il est pas si petit. Les Rolling Stones, Miss You, c'est maintenant sur RTL2. Bon début de journée, bonjour. Stones avec Miss You sur RTL2 à 7h55. Mick Jagger en mode généreux. Quand on a les moyens en même temps, on peut se le permettre. Il a fait un don d'une veste en cuir frappée du logo des Stones pour une vente aux enchères pour évidemment une opération caritative. Signée par Jagger en personne, la veste est estimée entre 4 000 et 6 000 $. La vente aura lieu le 9 novembre au Hard Rock Café de Times Square à New York. Voilà, un petit aller-retour à New York si vous souhaitez l'acquérir. La suite sur RTL2 avec un savoir inutile. On parle d'avion ce matin avec toute l'équipe du Double Expresso. C'est le best-of. RTL2, les savoirs inutiles. Pour épater les copains. Bon bah ça y est, on y est, c'est bientôt le week-end. Du coup, ce matin, dans les savoirs inutiles, on s'évade. Greg, fais tes valises, c'est parti. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Est-ce que tu aimes ? Oh oui alors, il est chouette. Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit ? Non monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Je crois que c'est une de mes scènes préférées. Ah oui. Y a-t-il un pilote dans la vie? Voilà, vous aurez reconnu. J'ai un chiffre hallucinant pour vous. À votre avis, savez-vous combien il y a d'avions chaque jour dans les airs? Je dirais beaucoup. Bah, merci. Bon, je tente, enfin, je sais pas. Dans le monde? Non, en entier dans le... Oui, en entier. Oh la vache, c'est 3 500. Non, il y en a plus. 42 000. Il y en a, vous êtes très très loin. Il y a environ 102 000 avions de ligne qui circulent chaque jour dans le monde. Et ce chiffre gigantesque ne concerne que les avions transportant des passagers et non les marchandises. Ah ouais. 102 000 chaque jour. C'est ce qu'il faut se dire quand on prend l'avion et quand beaucoup n'aiment pas ça. Il faut vous dire, voilà, ça craint rien. 102 000. Ce serait quand même pas de peau. 102 000 tous les jours. Oui, voilà. C'est quand même pas de chance. Non, c'est quand même pas de chance. En tout cas, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Oui, c'est vrai. Derrière l'ascenseur, et c'est pas une blague. C'est officiellement le moyen de transport le plus sûr au monde. Double savoir inutile. Un Français sur deux a peur dans une pièce de sa maison. Vous vous rendez compte de ça? On va développer cette enquête. Aux alentours de 8h10, et pour le son pop rock, Jacob Banks arrive avec également REM, juste après vos infos de 8h sur RTL2. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Imagine Dragons. Walker. Vous l'avez découvert sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de pic. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe chez But. Un déstockage monstre. Vous verriez comme il casse les prix. Ça fait peur. Le déstockage monstre continue chez But, avec en ce moment des prix sacrifiés sur de nombreux produits. But, des prix et des idées tous les jours. Voir conditions et produits concernés en magasin sur but.fr. Bohemian Rhapsody. La seule chose plus extraordinaire que la musique de Queen... Prêt, Freddy ? C'est son histoire. Tu dois ralentir le rythme, Fred. Il leur faut un peu de temps. Et si j'en ai pas du temps ? Le destin de Freddie Mercury. T'es une légende. Enfin au cinéma. On est tous des légendes. Bohemian Rhapsody. Actuellement au cinéma. Avec RTL2. Imaginez un canapé de rêve. Avec des tissus de rêve, des lignes de rêve et des finitions de rêve. Imaginez qu'il puisse se convertir en un lit de rêve, avec un matelas de rêve pour y faire de beaux rêves et à prix de rêve. Eh bien, vous ne rêvez pas. Jusqu'à samedi chez Poltron et Sofa, une nouvelle collection de canapés convertibles est à moins 60%. Et tous nos autres canapés lits sont aussi à prix de rêve. Profitez-en vite, nous sommes même ouverts aujourd'hui. Poltron et Sofa, les artisans de la qualité. Brrr, il fait froid ce matin. Bah, va chez Tati. Chez Tati, t'as tout. T'as raison, en ce moment, pour un pull acheté, t'as un pull offert. En plus, tu peux gagner 10 millions d'euros de bons de réduction avec l'appli Bravo Loto. Chez Tati, t'as tout. Chez Tati, t'as tout. Voir conditions sur tati.fr. 8h sur RTL2, REM comme promis après vos infos. Le son C'est Raphaël Thomas qui nous rejoint. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et d'abord Emmanuel Macron qui poursuit sa chute dans les sondages. Selon une étude YouGov diffusée aujourd'hui, la popularité du chef de l'État perd 4 points en un mois pour s'établir à 21%. En revanche, celle du Premier ministre Édouard Philippe reste stable à 27%. Emmanuel Macron, qui a 7 mois des élections européennes et face à la montée de l'extrême droite, met en garde ce matin contre ce qu'il nomme la lèpre nationaliste. Le président fait même un parallèle entre l'Europe actuelle et celle de l'entre-deux-guerres. Le gaz toujours plus cher, les tarifs réglementés appliqués par Engie vont encore grimper à partir d'aujourd'hui. Une hausse de près de 6% par rapport au mois d'octobre et de quasi 20% par rapport au début de l'année. Cette flambée des prix s'explique notamment par l'augmentation du coût des importations. Le Var sous les eaux. Des pluies diluviennes se sont encore abattues cette nuit sur le département placé en vigilance inondation. Le préfet recommande d'éviter les déplacements en raison du risque de crue. Le pic est attendu en milieu de matinée. Des centaines d'habitants ont dû quitter leur domicile par précaution. Hier soir, plusieurs zones, dont 4 campings, ont été évacués à Fréjus. Les employés d'Ascoval votent la reprise du travail. Les 281 salariés de l'Acierie du Nord bloquaient l'usine de Saint-Solve depuis une semaine. Finalement, le projet de reprise du site a été jugé solide. Le gouvernement souhaite régler le dossier d'ici début décembre. En tennis, il n'y a plus de Français en lice au tournoi de Paris-Bercy. Et Henri-Charles Gasquet et Adrien Manarino ont été sortis du Masters 1000 hier. C'est fini aussi pour Raphaël Nadal qui a déclaré forfait, laissant du coup la place de numéro 1 mondial à Novak Djokovic. Le Serbe est attendu sur les courts aujourd'hui pour les 8e de finale. En football, Lorient a créé la surprise hier en Coupe de la Ligue. Le club de Ligue 2 s'est qualifié pour les 8e de finale en battant Toulouse 1-0. Qualification également du Havre, de Nice, d'Amiens, de Dijon, de Guingamp et d'Orléans. Le match entre Nîmes et Saint-Etienne, lui, a dû être reporté à cause des pluies diluviennes qui sont tombées. Les 6 clubs engagés en Ligue des Champions et en Europa League, eux, feront leur entrée en lice lors des 8e de finale. Ce sera les 18 et 19 décembre prochains. La météo, on le disait, seul le Var reste en vigilance orange inondation ce matin. Attention aux crues. Au lever du jour, il y aura quelques averses orageuses de la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie. L'après-midi, elles gagneront les Hauts-de-France. On attend des éclaircies en Bretagne. Des Pyrénées au Languedoc-Roussillon, le temps sera calme sur la moitié est. Il pleuvra dans la matinée, notamment sur la Côte d'Azur et la vallée du Rhône. En Corse, le vent fort en début de journée faiblira l'après-midi. Côté mercure, il fait un petit peu moins froid. 5 degrés à Metz ce matin, 6 à Clermont-Ferrand, 10 à Paris et Hoche, 11 au Havre, 12 à Quiberon, 13 à Fréjus, 14 à Saint-Florent. Cet après-midi, on attend 12 à Calais et Besançon, 13 à Meaux, 14 à Soulac et 17 à Arles. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur dans votre maison, dans une pièce de votre maison? En tout cas, un Français sur deux répond que oui. Je vais vous donner la liste des pièces qui font le plus peur dans nos maisons. Juste après REM, Losing My Religion sur RTL2. Il est 8h03. Bonjour, bon réveil. Classique pop rock RTL2 avec un C majuscule, c'était REM Losing My Religion. Peter Buck, le guitariste de REM, a composé le riff du morceau le ta-na-na-na-na sur une mandoline tout en regardant une émission de télé. A priori, ça l'inspirait et ça donnait donc ce titre interplanétaire qu'on retrouve sur l'album Out of Time. Le double expresso RTL2. Le best-of avec Sylvain Alexis. La télévision, justement, vous la regardez sans doute dans votre salon quand vous êtes devant. Il est 8h07 sur RTL2. Hier soir, c'était Halloween. On parle de la maison, justement. Vous savez qu'une étude nous apprend ce matin qu'un Français sur deux donc avoue avoir peur dans l'une des pièces de son logement. Alors, c'est surtout vrai chez les jeunes entre 18 et 34 ans. À votre avis, l'équipe, quelle est la pièce dans laquelle on a le plus peur chez soi, Jérém? Ah bah moi je vais te dire, chez moi perso c'est la cave par exemple. La cave, eh ben tu sais quoi, c'est numéro 1, plus de 15% des gens disent que c'est dans la cave. Qu'est-ce qui te fait peur dans la cave? C'est les petites bêtes, non? Les petites souris, tout oui, ça. Oui, j'aime pas tout ça. Deuxième pièce, le grenier, bon ça faut être en maison. Et alors appartement comme maison, viennent ensuite le couloir, la salle de bain et la cuisine. La cuisine, ouais, non mais la cuisine même, quand t'as pas de lumière, t'es tout, je sais pas, t'as un couteau qui bouge tout seul, enfin un truc comme ça, ça peut faire peur quoi. Ouais, tu m'angoisses là. Non, attends. Jacob Banks, lui, c'est quand il a été cambriolé, on a trouvé sa guitare. Tu sais où? Non. Dans sa cuisine, justement, il a pris ça comme un signe qui lui a dit « Faut que tu te lances dans la musique, mon gars ». Ça a donné un note to you que voici sur RTL 2. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. What I've done to you, even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Look at all this heartache. What is left? Forgetting how it started. This is how it ends. Oh no. I know I've done some wrong. I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. All I've done to you, even if it doesn't matter, matter what's true. Tell me that I'm sur RTL2 avec Unknown to You. Son nouvel album Village sort demain, puis il sera en concert, Jacob, au Trianon de Paris le 15 décembre prochain avec RTL2. En concert aussi très très bientôt, un petit peu plus tard, le 21 février 2019, Cats and Trees est à venir sur RTL2. Ce sera à l'Olympia de Paris. Ouais.

Les Cure sur RTL2 avec In Between Days, les Cure qui feront l'ouverture de la prochaine édition du festival Rock en scène le 23 août prochain. Les billets seront mis en vente sur le site du festival le 7 novembre à midi. Conseil, soyez là à 11h59 parce qu'à mon avis à midi 5, tout sera parti. Voici l'horoscope de votre jeudi. On commence avec nos médailles de bronze. Les Lions d'abord, attention à ne pas trop prendre vos aises, restez à votre place. Balance, une futilité vous occupe l'esprit depuis quelques jours, pensez à autre chose. Les Poissons, ne soyez pas trop têtus, cela pourrait vous porter préjudice. Médaille d'argent maintenant. Bélier, cette journée commence sans encombre, profitez-en. Les Gémeaux, vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle. Taureau, c'est bientôt la fin de la semaine, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre week-end. Cancer, vous avez des projets plein la tête, c'est le bon moment pour les mettre en place. Vierge, n'hésitez pas à user de votre charme pour obtenir ce que vous souhaitez. Les Scorpions, votre personnalité est unique, oui, cultivez-la. Capricorne, vous faites rire vos proches, c'est une grande qualité. Verseau, la chance va vous sourire aujourd'hui. La médaille d'or pour ce jeudi, elle est pour les Sagittaires. Amour, travail, santé, famille, tous les voyants sont au vert, votre journée sera parfaite. Il s'appelle Calogero et il est sur RTL2. Avant les infos de 8h30, voici Voler de nuit pour début de journée pop rock. Je transporte tes lettres, tes rêves dans les étoiles. Je suis facteur du ciel pour l'aéropostale. Je regarde le monde depuis mon appareil. C'est beau comme vu d'ici, on a tous l'air pareil. Je rêve dans mon ciel solitaire, qu'on soit tous un peu solides. Best-of du Double Expresso, Voler de nuit. Calo toujours en tournée avec nous partout en France et en Belgique. C'est jusqu'au 8 février. Et il sera à l'Olympia de Paris les 20, 21, 22, 23, 24 janvier 2019. Encore la possibilité de réserver pour ces dates sur rtl2.fr. 8h28, les infos sont à venir. Un winner du jour spécial facture de taxi ce matin. Et puis Dido pour le son pop rock.

destruction to come back again. And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of It's Over, then I'm sure that that makes sense. And I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. Qui double et deux voyelles, Dido sur RTL2 avec White Flag, drapeau blanc, avec pour la suite Jean-Louis Aubert par exemple, Demain sera parfait. Nous ne sommes que paix et amour ce matin, vous le savez, sur RTL2 et Best Of aussi, du double expresso, nous parlons taxi et étudiants, je vous le disais tout de suite avec Greg et Justine, voici le winner du jour. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Un winner trouvé ce matin sur 20minutes.fr. Alors c'est une question que je vous pose, attention problème de maths. Combien coûte le trajet Rennes-Disneyland Paris pour 50 personnes en taxi? Non, vous savez pas. Non, mais là, ne cherchez pas. Cher, ouais. Bon, pour vous aider quand même, un petit indice. 384 km entre Rennes et le royaume de Mickey. C'est ce qu'avaient prévu de faire 50 étudiants du bureau des élèves d'une école de Rennes. D'accord. Jusque-là, c'est normal. Ils se donnent rendez-vous en pleine nuit. Ils doivent partir à 1h30 du matin. Tout le monde est content. It's a small, small world. Ils sont contents, tout ça. Boum. Sauf que le car est en panne. Loose. Alors donc il n'y a plus de car, mais ils veulent pas annuler. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien le responsable du bureau des élèves a appelé une société de taxi rennaise et il a demandé à avoir des taxis. Il a vérifié auprès de l'école s'il avait leur aval, si c'était OK. L'école a dit oui. Et donc, ils sont partis avec 12 taxis qui ont fait la route Rennes-Disneyland Paris pour la modique somme de 9000 euros et l'école a payé. Mais c'est une blague. Non, c'est vrai, ils ont pu profiter d'un séjour à Disneyland Paris. Moi, je trouve 9000 euros le séjour? Non, bah le trajet taxi. J'ai compris, mais pour aller à Disneyland. Et l'école a dit OK parce que c'est notre faute. Le car était en panne. Ah, mais pour se refaire, du coup, ce sera coquillette tous les midis à la cantine. Il n'y a plus d'oser. Et ce matin, c'est croissant, bonne tartine et tout ce qui va bien, un bon petit déjeuner que vous prenez peut-être avec RTL2 et Jean-Louis Aubert maintenant. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner. Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles. Les soleils-là, ils sont bien au pied des tours infernales. Les petits malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale. Testez aux radios. Je veux danser sur les braises, il fait si

guess I didn't wanna change. This hold on me, this hold on me. Your love keeps me in chains, just like the river I'm run by the gate. Your fear keeps me right here. You need the arrow, the arrow. Le double expresso RTL 2. Now we need some space, 'cause Sur RTL avec My Life is Going On, ça fait penser évidemment à la Casa de Papel. Il y a des premiers teasers de la saison 3 qui circulent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à regarder puis à nous dire pourquoi pas ce que vous en pensez sur la page Facebook RTL 2. Bah oui, comme ça on est entre nous et on vous lit tous les matins entre 6h et 9h. Top 3, c'est bon, Jérém, c'est prêt. Jonathan oui. O'Donnell, on y va, c'est parti. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le Double Expresso RTL 2. Il est sur RTL 2 chaque matin dans le Double Expresso. Il est sur scène au Théâtre Beau-Saint-Martin tous les dimanches à partir de... De dimanche ? À quelle heure ? 18h30. C'est parfait, c'est Jonathan O'Donnell. Il sera même dans VTEP vendredi soir. Oh, oh là là là. Et le gars est partout. Vous le retrouverez sur Vente Privée également. Il sera... La vedette. Et je commence à vous parler politique. Le livre de campagne de Manuel Valls, qui sortira le 30 octobre, va s'appeler Barcelone, je rentre à la maison. Oh. Ouais, moi, à sa place, je commencerai déjà à écrire un nouveau livre. Paris, finalement, je reviens, personne ne me connaît là-bas. Celui-là va marcher. Et l'autre, on est moins sûr. Allez, un fait divers. Un homme s'est fait remettre de l'argent sous la menace d'un couteau dans un magasin Picard à Pontivy. Bah. Picard à Pontivy, ouais. En fait, le mec est reparti avec de quoi se payer un panini, j'imagine. Mais doit pas y avoir beaucoup plus, hein. Et une info sur les animaux, un perroquet Amazon à front bleu d'une valeur de 1300 euros a été volé dans un Jardiland près d'Angers. Mais enfin, Camoulox. Ouais, comment il doit être dégoûté le voleur de chez Picard. Même chez Jardiland, il y a plus d'oseille.